La délégation de la Fédération générale des travailleurs du Pérou en séjour en Corée a offert un cadeau au maréchal Kim Jong-un. Le chef de la délégation, Leopoldo Ortiz Senti, membre exécutif de la Fédération et secrétaire général du syndicat de port, l'a transmis le 19 à un officiel coréen intéressé.